Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Veillée de Marceline Desbords de Valmore. Quand ma lampe est éteinte et que pas une étoile ne scintille en hiver aux vitres des maisons, quand plus rien ne s'allume aux sombres horizons, et que la lune marche à travers un long voile, ô Vierge, ô ma lumière, en regardant les cieux, mon cœur qui croit en vous voit rayonner vos yeux. Non, tout n'est pas malheur sur la terre flottante. Agité sans repos par la mer inconstante, cet immense vaisseau, prêt à sombrer le soir, se relève à l'aurore, élancé vers l'espoir. Chaque âme y trouve un mât pour y poser son aile, avant de regagner sa patrie éternelle. Et tous les passagers, l'un à l'autre inconnus, se regardent, disant « D'où sommes-nous venus ?» Ils ne répondent pas. Pourtant, sous leurs paupières, tous portent le rayon de divine lumière. Et tous ces hauts pensées m'éblouissent. J'ai peur, mais je me dis encore « Non, tout n'est pas malheur. » Illustration musicale avec l'aimable autorisation de Pascal Krieg. Ballada, édité par Musique Libre CC, distribué sous licence Creative Commons BY NC ND.